brumes et pluies. Ô fin d'automne, hiver, printemps trempé de boue, endormeuse saison, je vous aime et vous loue d'envelopper ainsi mon cœur et mon cerveau d'un linceul vaporeux et d'un vague tombeau. Dans cette grande plaine où l'automne froid se joue, où par les longues nuits la girouette s'enroue, mon âme, mieux qu'au temps du tiède renouveau, ouvrira largement ses ailes de corbeau. Rien n'est plus doux au cœur plein de choses funèbres et sur qui dès longtemps descendent les frimas. Ô blafard de saison, reine de nos climats, que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres, si ce n'est par un soir sans lune, deux à deux, d'endormir la douleur sur un lit hasardeux.